le livre de Jonas le prophète aurait pu se terminer en apothéose à la fin du chapitre 3. Pensez donc, chers auditeurs, sous l'action de l'Esprit de Dieu, tous les habitants de la ville de Ninive se repentent et invoquent ardemment le pardon de l'Éternel. Une prière que Dieu a du reste exaucée de manière remarquable. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cependant, après le chapitre 3, il y a encore le chapitre 4, où le Saint-Esprit nous ramène à considérer la personne de Jonas. Vous connaissez tous, chers amis à l'écoute, ces livres d'aventure qui, après les récits les plus époustouflants, en arrivent en dernière page à un épilogue du style « Ils se marièrent, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ». Rien de cela dans la manière d'écrire de Dieu, ou plutôt dans le message qu'il communique aux écrivains sacrés. Empreinte de réalisme, la Bible ne se perd pas dans des fictions où ce qu'on souhaite prend le pas sur la réalité. Elle dépeint l'homme tel qu'il est, avec ses défauts et tout son potentiel d'égoïsme et d'égocentrisme. Ah, Jonas, le fougueux prédicateur du chapitre 3, pourquoi ne le voit-on pas, au chapitre 4, battre le fer pendant qu'il est chaud et saisir l'occasion des bonnes dispositions des Ninivites pour organiser une campagne d'évangélisation? Merveilleuse opportunité de parler de ce Dieu qui pardonne parce qu'il aime. Mais Jonas est dépassé tant par le mouvement d'humiliation collective des Ninivites que par le geste de miséricorde divine qui s'en est suivi, geste qu'il voit d'un très mauvais œil du reste. Au chapitre 3, il a obéi à Dieu. Maintenant, au chapitre 4, sa nature déchue reprend le dessus, la repentance des Ninivites l'excède et la grâce de Dieu l'agace. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Chapitre 4, verset 1. En pardonnant à Ninive, Dieu ne prend-il pas fait et cause pour l'ennemi numéro un d'Israël? Pour Jonas, le patriote, il ne peut qu'en résulter le malheur pour son peuple. Or Jonas, qui pense savoir mieux que Dieu, l'accuse directement dans une prière revendicatrice où tout tourne autour de sa petite personne. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Versets 2 à 3. Jonas n'est pas le premier serviteur de Dieu à sombrer dans la dépression et le désespoir au point de réclamer la mort. Et hélas, il ne sera pas le dernier non plus. Pensons à Moïse, désespéré par la désobéissance des Israélites adorant le veau d'or. Exode 32. À Josué, atterré après la défaite d'Aï. Josué 7. Ou à Élie, découragé par la menace de Jézabel. 1 Roi 19. Ici, Jonas préfère mourir plutôt qu'assister en spectateur impuissant à la restauration spirituelle de Ninive. Et finalement, il aura l'air de quoi devant l'opinion publique, lui qui a annoncé la destruction de la ville au bout de 40 jours? Pour Dieu, Ninive n'est plus un problème. C'est Jonas qui est devenu le problème. Aussi s'approche-t-il de lui, verset 4. Fais-tu bien de t'irriter? Les connaissez-vous, ces croyants égocentriques qui parfois s'enveloppent d'une carapace pour ne pas regarder les choses en face et qui surtout font taire la voix de leur conscience? Jonas escompte peut-être que l'Éternel revienne sur sa décision d'épargner Ninive, comme si Dieu était un homme capable de changer d'avis comme nous. Aussi, lisons-nous verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Quand un homme, une ville ou un peuple, et surtout quand un chrétien, une œuvre de Dieu ou une église renie les ordres divins, il arrive que le Seigneur s'adresse à lui ou à elle sous forme de parabole. Les prophètes ont utilisé cette méthode pour reprendre Israël de ses désobéissances. Le Seigneur l'a abondamment employé dans les évangiles et encore dans l'Apocalypse à l'égard de ceux qui refusent de se repentir. Est-ce étonnant alors que le Créateur, qui avait déjà suscité une tempête exceptionnelle et un grand poisson pour parler à Jonas, veuille maintenant utiliser de nouvelles leçons de choses pour toucher sa conscience? Il est là, ce croyant pétri d'égoïsme, passif au moment où Ninive aurait probablement le plus grand besoin d'un conducteur spirituel. Il se tient à l'ombre de sa cabane, replié sur lui-même. Il se berce à la musique enchanteresse de ses raisonnements trompeurs, et il attend au lieu d'agir. Mais Dieu ne le fera pas attendre longtemps. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Jonas veut se mettre à l'ombre, et d'abord il semble que Dieu entend combler ce désir en faisant croître en un temps record un ricin aux larges feuilles qui apporte un ombrage bienfaisant sur sa tête. Mais le cours de psychologie divine pour Jonas n'est pas terminé. Le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Versets 7 et 8. Toutes les réactions de Jonas sont démesurées. Il a éprouvé des transports d'enthousiasme lorsque le ricin a projeté de l'ombre sur sa tête, et maintenant que le buisson a séché et que, soleil et sirocco aidant, il a un peu mal à la tête, il demande la mort. Mais Dieu s'approche de lui, verset 9. « Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Jonas est convaincu d'avoir raison. Et quand on croit avoir raison, on croit forcément que tous les autres ont tort, y compris Dieu. Jonas est têtu, il est fâché, parce que rien n'a marché comme il l'entendait. Il en veut à tout et à tous. Au ricin, à l'insecte qui l'a rongé, au vent du sud qui l'a indisposé, au soleil qui l'a rendu malade, au Ninivite qui n'aurait pas dû se repentir, et surtout à Dieu qui n'aurait pas dû leur faire grâce. D'où sa colère persistante. Cependant, quand nous nous irritons, nous avons toujours tort. L'Écriture sainte le précise. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 20. Or ce principe, Jonas ne l'admet pas. Le monde peut se désagréger autour de lui, tout le laissera indifférent. Cependant, que son petit univers s'écroule, il envoie tout promener. Au point de penser, grave illusion du reste, que seule la mort peut le délivrer de ses ennuis. Au lieu d'avoir pitié des Ninivites, Jonas s'est pris lui-même en pitié. Et quand on se prend soi-même en pitié, on montre qu'on n'a rien compris à l'amour de Dieu en faveur du monde. C'est bien là, du reste, le thème fondamental de l'enseignement qui se dégage de ce court livre de la Bible, et surtout de sa conclusion où l'Éternel s'adresse à Jonas. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Donc des enfants en bas âge. Et des animaux en grand nombre. Jonas, ne comprends-tu pas? Le Dieu d'amour attache même de l'importance aux 120 000 bébés et aux innombrables animaux de Ninive, et il veut les épargner. Ne vois-tu pas, Jonas, qu'ils ne sont pas, eux, responsables de la méchanceté de la ville? Personne n'y avait pensé, et surtout pas toi. Mais moi, l'Éternel, je ne les ai pas oubliés. J'ai pitié d'eux parce que je les aime, et je ne veux pas non plus le malheur de Ninive. J'ai donc décidé de lui accorder un sursis. Oh, ce ne sera qu'un sursis, car dans 150 ans, le péché de Ninive sera jugé, et elle succombera au coup de butoir de l'armée babylonienne qui la détruira entièrement. J'en inspirerai la prédiction à Nahum, un prophète que je susciterai au moment voulu et qui reprendra ta mission, Jonas. Nous ne savons pas si, en fin de compte, Jonas a reconnu le bien fondé de la manière d'agir de Dieu à l'égard de Ninive. Car c'est comme si ce récit biblique s'était terminé sur trois points de suspension. Comme Jonas, nous voulons toujours avoir le dernier mot, mais ici, c'est à Dieu qu'il appartient. Avant l'ultime échéance, Dieu a fait briller sur Ninive un éclat de grâce. Comme aujourd'hui, le Dieu du ciel multiplie ses actes de grâce envers notre monde indifférent avant le déclenchement des événements dramatiques annoncés par l'Apocalypse. Chers amis à l'écoute, que faites-vous des faveurs imméritées que Dieu vous propose? Comme Jonas sous son ricin, rongez-vous votre amertume et persistez-vous à vous replier sur vous-même? Il est temps que vous sortiez de la prison de votre égoïsme pour secouer la carapace de votre indifférence et consacrer votre vie, vos dons et votre énergie à faire connaître l'amour de Dieu autour de vous. Car le Seigneur cherche aujourd'hui des témoins pour annoncer l'Évangile aux hommes qu'il a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »